J'suis dans le sex club, des faits comme Nutta. La bitch fait du pole dance, sur son dancehall. Vitrine enfumée de way, vitrine enfumée, vitrine enfumée. J'suis dans le sex club, des faits comme Nutta. La bitch fait du pole dance, sur son dancehall. Vitrine enfumée de way, vitrine enfumée, vitrine enfumée. D'ailleurs vitrine, triste vie. Aïe aïe aïe, triste vie. D'ailleurs vitrine, triste vie. Souviens-toi quand t'étais moche, personne voulait toi, tu ne faisais que sucer des bites. T'as bu sperme de toute l'équipe. Aujourd'hui tu fais ta gueule, t'as refait ton cul squelettique. Charnel et la gymnastique. J'suis dans le hood hood, j'fais que fumer des sprits. J'encule la morale et l'éthique. J'suis sans manière dans sa schneck, j'ai mes formes géométriques. Police sur bande kilométrique. Y'a ceux qui ont le barreau, y'a ceux qui ont la barrette de shit. Et ceux qui nous dénoncent au flic. Intouchable comme la chatte sidatique d'une bitch. Oh no. J'ai de la beuh pour toi, un peu d'OG pour toi, un peu de lean pour toi. Les guines en sueur elles mouillent, sauce-moi la table, l'autre casser les couilles, pute. VL Demso, quelques poussées dans le bendo. J'démarche sa poutrie dans Benzo. Triste vie, vitrine en fumée de bédo. J'fume, s'il te plaît, Dems, Dems. Triste vie, derrière vitrine, triste vie. Aïe aïe aïe, triste vie. J'suis dans le sex club, des feux comme Nedda. La bitch fait du pole dance, sur son dancehall. Vitrine en fumée de way, vitrine en fumée, vitrine en fumée. Voiture bélier dans les charts, j'ai plié le capot. Comme y'avait pas de porte ouverte, j'ai pété le carreau. Les CKO, c'est séquelles, lui font péter le tarot. Derrière vitrine comme derrière barreau. Derrière vitrine comme derrière barreau. Salope sur son 31 pour sursaut dans ses reins. Le néon éclaire sa plastique et son cœur en éteint. Les jambes toujours plus ouvertes comme rappeur en déclin. Tes gens me parlent, dis-leur d'arrêter. J'tire des grandes barres d'eucalyptus. Elle sort ses seins mais va rien allaiter. Elle sent le cul et le beurre de karité. Ce rap est sale, c'est pas de la variété. Ou bien de la sorcellerie, faut les garcis morés. Toutes ces garces mijaurées. Maxi promo surpasse la qualité. Sacrifice de bébé dans berceau alité. Peut faire de toi une personnalité. J'tire sur le joint comme un enfant déscolarisé. Et sur ton équipe de chouins désolidarisé. Jamais au grand jamais je ne peux pas. C'est très souvent l'affaire de deux doigts. J'suis devant toi mais pourtant tu n'es pas prêt de me voir. V.A.L. Dame Saucisi pour signer l'homicide. Embuer les vitres de ton domicile. Un jour t'es contre, un jour t'es avec. J'te vois comme Al-Qaïda. Un jour sur deux j'ai envie de péter la vitrine de BNP Paribas. Alcool et shit dans mon alliage. Le fond, la forme, je suis le mariage. Aucune action du genre admirable. Population du genre à l'image de Dieu qui danse la macarena. Short d'une que je n'ai comme d'un marécage. Le cœur et la bite sont trop maniables. La cœur elle s'habite sur la capitale. Kamikaze navigue comme Qatari Haripa. J'roule Marie-Jeanne sans cocaïna. J'cours après le temps et l'ocarina. Hey, derrière les vitres teintées, je me souviens de l'anonymat. J'suis dans le sex club, des faits comme Nutta. La bitch fait du pole dance, sur son dancehall. Vitrine en fumée de way, vitrine en fumée, vitrine en fumée. J'suis dans le sex club, des feux comme Nedda. La bitch fait du pole dance, sur son dancehall. Vitrine en fumée de way, vitrine en fumée, vitrine en feu. Triste vie, derrière vitrine.